ça fait un peu peur parce que du coup, comme c'était indiqué dans le fameux DSM-4, du coup, à force de rajouter et de rajouter et de rajouter ce qu'on nommerait des comportements qui ne seraient pas acceptables pour la société, c'est vrai que du coup, il reste assez peu de place finalement pour l'expression de ce qu'est une personne à part entière, quoi, enfin, de qui on peut être en fait. Et c'est vrai que, enfin, moi j'étais particulièrement choquée de voir que déjà une hétéro, on pouvait. Enfin, il y en avait qui avaient déjà ne serait-ce que l'idée d'avoir envie de diagnostiquer déjà des choses, alors qu'on n'est pas encore né, on n'a encore pas fait son expérience, on n'a encore pas. Enfin, c'est terrifiant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent à ça. Déjà. Ne serait-ce que d'en avoir l'idée, je trouve ça terrifiant.